Section 69 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. La Lecture, tome 7e. Section 69. Les rois de la montagne corse. Histoire des Bellacossia par Paul Bourde. La route de Bastia à Ajaccio franchit la chaîne centrale de l'île au col de la Fosse. Pendant quelques lieues, vous vous croiriez dans un pays d'extrême nord, en Écosse ou en Norvège. Les arbres de la zone tempérée vous ont quitté les uns après les autres à mesure que vous montiez. La forêt que vous traversez ne nourrit plus que des hêtres auxquels pendent de grandes mousses et des pins dont les fins et hauts troncs droits rayent les pentes d'une hachure serrée. À travers le branchage, étincellent par plaques blanches les neiges des cimes dont le dur éclat de cyprès fait mal aux yeux. Puis vous retrouvez les souffles chauds de la Méditerranée à Boccognano. Quand vous avez passé ce village, le cocher ne manque point d'arrêter la voiture, et de même qu'on monte un lieu célèbre, il vous dit « Voilà Pantica, monsieur ». Vous apercevez une gorge qui s'enfonce sur la droite dans un cirque de montagnes désolées. On dirait qu'elles ont été dévastées par le feu tant elles sont crevassées, fendillées, d'une couleur de cendre et d'une nudité de scorie. Au fond du creux seulement, quelques pins apparaissent qui montent à l'assaut de cette immense stérilité, s'éparpillent, s'éclaircissent en grimpant et s'arrêtent bientôt exténués. Ce creux est cependant plus fertile qu'il n'en a l'air de loin, il est vaste et il s'y trouve des prairies et des bois. C'est de là que, depuis 40 ans, deux bandits, couverts de crimes, bravent les lois et l'autorité. Ils y ont construit des maisons, ils y élèvent des troupeaux, ils y ont amassé des richesses, ils y vivent au milieu de leurs familles, redoutés et respectés de leurs voisins, aussi libres dans leur domaine volé qu'un souverain absolu dans ses états. Ils ont la conscience de cette sorte de royauté. L'un d'eux s'est fait graver au pénitencier de Chiavari, où il a placé un de ses gendres, comme gardien, pas comme détenu, un sceau dont il timbre ses lettres à l'instar des princes. L'indépendant Jacques Bonelli, dit Bellacossia. Ces Bellacossia sont le prestige du banditisme, un exemple de longue vie et de réussite donné à tout homme qui se réfugie dans le maquis, une réputation européenne et, dans la mesure que j'indiquerai tout à l'heure, une gloire corse. Quand on les voit brigander et prospérer à 6 kilomètres de la brigade de gendarmerie de Boccognano, venir quotidiennement et se mouvoir sans être inquiété dans ce chef-lieu de canton qui leur est entièrement dévoué, rançonner les communes voisines avec autant de régularité que s'ils prélevaient un impôt dû, y imposer leurs candidats aux élections, faire souche et préparer un brillant héritage à leurs enfants, il n'est pas un petit bandit qui ne puisse rêver de devenir prince à son tour. Les touristes de marque passent chez eux, après avoir préalablement sollicité une invitation. Ils les baissent sur la bouche en signe de paix et les reçoivent galamment, non cependant sans en tirer de bonnes aubaines sous forme d'échanges de cadeaux. Ils regardent l'heure à une montre qui leur a été offerte par une duchesse de Saxe-Cobourg et ils tirent sur les gendarmes avec des armes données par des lords anglais. Monsieur Emmanuel Arène a écrit une spirituelle relation de la visite qu'il leur a faite en compagnie d'Edmond Abou. Il n'y a que la police qui ne sache pas les joindre. Au premier abord, les Corses semblent avoir pour eux les mêmes sentiments de réprobation que les continentaux. Mais si on les pousse, derrière ces sentiments auxquels la convenance les oblige, on sent poindre un orgueil assez curieux. Ils sont très français. Plus j'ai vu l'île, plus j'ai eu la satisfaction de le constater. Mais ils ont très fort aussi l'amour de leur petite patrie. Ils sont entrés dans notre famille, mais sans s'y confondre, conservant une place à part, et que leur amour-propre national juge supérieur. Or, les qualités par lesquelles ils priment, à leur avis, le reste des Français, l'adresse, la ruse, la ténacité, la résolution sont précisément celles que les Bellacossia déploient dans leur duel avec l'autorité qui les poursuit. Les Bellacossia représentent l'esprit corse et l'autorité l'esprit continental, de sorte que toutes les fois que cette dernière échoue dans ses tentatives contre eux, les Corses prennent instinctivement cet échec pour une démonstration de leur supériorité. Ils sont flattés dans leur vanité, et je crois bien qu'au fond, leur vrai sentiment sur ces criminels, c'est une inépuisable indulgence pour des gens qui leur procurent de pareils plaisirs. Voilà ce que je voulais dire en appelant les Bellacossia une gloire corse. Ce qu'on répète dans le public sur ces bandits est tout à fait légendaire. On en trouve l'écho dans les lignes que le guide Johann leur consacre comme à une des curiosités de l'île, et dont la rédaction plusieurs fois changée est toujours inexacte. Je vous raconterai leur histoire vraie pour achever de peindre le banditisme corse. Antoine et Jacques Bonelli, surnommés Bellacossia, ont aujourd'hui la barbe grise. Le premier a 61 ans, le second 55. Ils sont fils adultérins. Leur père avait 3 sœurs pour maîtresse et il a peuplé Bocognano de ses enfants. Antoine a pris le maquis en 1848, à la suite d'une querelle avec le maire de cette commune. La plupart des assassins en Corse sont, comme nos anarchistes, des jeunes gens de 18 à 25 ans. C'est l'âge où le sang bout et où l'action suit de près la pensée. Ce maire était un brave notaire qui répugnait aux illégalités. Il ne voulait pas marier une de leurs sœurs qui n'avait point d'acte civil à produire. Il refusait à Antoine, qui ne se souciait pas d'aller à l'armée, un faux certificat constatant qu'il avait un frère sous les drapeaux. Il exigeait des Bonelli qu'ils payassent la rétribution pour la jouissance des biens communaux. Enfin, les Bonelli occupant illégitimement Pentica, qui appartient à la commune, ils revendiquaient devant les tribunaux la possession des terrains usurpés. Refuser des faveurs, c'est, au point de vue de la conscience de clan, se conduire en ennemi. Antoine et son frère Martin allèrent s'embusquer dans la propriété du notaire et lui tirèrent 4 coups de fusil. Antoine était amoureux quand ce malheur lui arriva. Il s'était épris d'une jeune fille de Scanafagiacia, dont le père, nommé Casati, était assez riche. Mis hors la loi, il n'en persista pas moins dans ses projets de mariage. Accompagné de 3 camarades du maquis, bandit comme lui, il fit irruption un soir chez Casati et le somma de lui livrer sa fille Jeanne. Les enlèvements sont assez fréquents en Corse, il est rare cependant qu'on y procède ainsi à main armée. La jeune fille, en entendant la demande dont elle était l'objet, se réfugia au grenier. Ses frères prirent leurs armes pour la défendre. Devant cette résistance, les bandits firent mine de se retirer. Ils attirèrent le père sur la porte, puis, quand il fut hors de la vue des siens, ils le saisirent, le bâillonnèrent, le garrottèrent et le transportèrent dans une caverne de Pentica, où il fut soumis à un régime sévère destiné à l'amener à la résipiscence. Jean-Baptiste Marcangeli, fiancé de Jeanne, arma 2 amis. Ils s'en allèrent à Pentica pour essayer de délivrer son futur beau-père. Ils s'y prirent si mal qu'ils tombèrent dans un piège d'Antoine. Garrottés à leur tour, ils furent enfermés dans la caverne avec Casati. Ils étaient fort mal nourris, au pain et à l'eau, sans aucune chance de se tirer de là. Pour recouvrer leur liberté, Marcangeli jura de renoncer à Jeanne et Casati jura de la donner à Antoine. L'un et l'autre, aussitôt loin de Pentica, oublièrent ces serments arrachés par la violence. Marcangeli n'en épousa pas moins Jeanne le 30 avril 1850. Le 27 juin suivant, Antoine le tua. Après quoi, il redemanda la main de la jeune veuve. Les Casati, épouvantés, quittèrent le pays. Jacques, qui assistait son frère dans l'assassinat du mari, prit le maquis à cette occasion. Une autre affaire de mariage leur fit commettre un nouveau crime 2 ans plus tard. Le bruit s'étant répandu que le jeune Miniconi devait épouser leur sœur Isabeau, peut-être était-il répandu par eux, ils prétendirent qu'elle était compromise. Ils signifièrent à l'amoureux sans le savoir qu'il eût à procéder au mariage. 2 oncles du jeune homme y étaient formellement opposés. Les Bellacossia leur tendirent une embuscade, mais ils eurent la maladresse de ne tuer qu'un nommé Visbavona, qui se promenait fort malheureusement pour lui avec les gens sur lesquels il tirait. Ils étaient dès lors fixés à Pentica. La gorge présente des conditions de défense exceptionnellement favorables. Elle n'est aisément accessible que par un côté dont la surveillance est facile, car avec une bonne lorgnette, ils observent à plusieurs kilomètres de distance les individus qui montent vers leur retraite. Le village de Bocognano, peuplé de leurs parents, est occultement gouverné par eux. Un jeu de lumière, véritable télégraphie optique, leur annonce la nuit les nouvelles apportées par la diligence. Une sorte de contrat passé avec les bergers voisins a transformé ces derniers en véritables sentinelles avancées placées en vedette. Ils les laissent pâturer tranquillement. En échange, les bergers les préviennent de ce qui se passe autour d'eux par des signaux convenus. Enfin, des chiens logés dans une grange, à l'entrée de la gorge, aboient aux étrangers. Un de ces bergers, appelé Pinelli, les a trahis en 1856. Il a guidé les gendarmes vers eux. Ils ont laissé la troupe s'approcher, ont visé le traître avec soin, l'ont étendu raide mort d'une balle dans la tête et se sont enfuis. Ils sont des tireurs de première force, et Jacques fait admirer son adresse aux visiteurs. Il prend pour but une pièce de 20 francs qu'il fait sauter d'une balle. La pièce lui reste, et un visiteur qui a le sentiment des convenances renouvellera l'épreuve plusieurs fois. Comme ils ont acquis avec le temps la réputation d'être imprenables, les bergers ont trop peur pour ne pas leur avoir été fidèles depuis. Bien qu'il ait une cicatrice à la main, Jacques se vante d'être invulnérable. Ils se sont battus avec les gendarmes dans 5 rencontres, et chaque fois, les gendarmes ont eu des tués ou des blessés. Antoine, de son côté, a reçu une balle dont il a failli mourir. Il s'était retiré pour se soigner dans une grotte connue d'eux seuls et sur laquelle on donne dans le public des détails qui doivent être du pur roman puisque personne ne l'a vu. On dit qu'il est impossible d'en découvrir l'entrée parce qu'elle ne s'aperçoit de nulle part et qu'aucun sentier n'y mène. Il faut d'abord monter sur un arbre, puis, par une grosse branche, on passe sur une saillie de rochers. L'entrée est dissimulée derrière. On raconte aussi qu'ils se sauvent par une simple corniche en surplomb au-dessus d'un précipice où l'on n'ose pas les suivre. Le passage serait si dangereux qu'Antoine, qui a grossi, ne s'y aventure plus. Antoine est considéré par la population de leur voisinage comme un brave homme, tandis que Jacques est haï autant que craint. Vous saisissez là, sur le fait, une intéressante nuance de la conscience corse. On ne reproche au premier que des affaires de sang. Les morts d'hommes ne déshonore point. Il est resté pauvre, ce n'est qu'un assassin. Jacques, au contraire, est un voleur. Il s'est emparé par la force d'une grande étendue de forêt communale qu'il exploite. Il exige par la menace de l'argent des propriétaires qui ont le malheur de vivre à portée de son fusil. Il taxe les entrepreneurs de travaux publics. Il a acheté près Bocconiano des terres dont il surveille de près la culture. Ses troupeaux sont nombreux. Il a des domestiques. Il possède aujourd'hui un des grands domaines de l'île, un domaine qui ne paye aucun impôt. À plusieurs reprises, il a enfermé des propriétaires récalcitrants dans une des cavernes de Penchica et ne les a relâchés qu'après paiement d'une rançon. Il est extrêmement difficile à la justice d'être renseigné sur ces attentats. Les propriétaires incarcérés une première fois n'ont pas envie de retourner dans la caverne, la justice manquant toujours les Bellacosia. Et les Bellacosia ne manquant jamais leurs ennemis, leurs victimes aiment mieux être brouillées avec la justice qu'avec les Bellacosia. Elles se taisent donc et cachent peureusement leur infortune. Il y a eu cependant une instruction ouverte au sujet de la séquestration d'un Battesti de Nocario. Elle a été interrompue par l'assassinat du principal témoin, le bandit Xavier Susoni. Personne n'oserait dire que c'est Jacques qui l'a tué, mais tout le monde en est sûr. Antoine et Jacques ont été condamnés à mort par contumace, chacun 4 fois. Ils auraient pu être poursuivis plus souvent, mais il semble que les juges se soient, en ces dernières années, lassés de s'occuper d'eux. Il est un peu ridicule, en effet, de condamner si souvent à mort des gens qui continuent à se porter aussi bien, et plus ridicule encore de leur infliger de la prison et des amendes pour les innombrables délits de leur existence quotidienne. On a saisi une fois leurs troupeaux et on les a vendus à la criée. Les deux bandits sont allés les reprendre chez les imprudents acquéreurs qui se sont bien gardés de présenter à Pentica la note à rembourser. Je viens de le dire, ils se sont construits chacun une maison, des maisons à 2 pièces seulement, qui n'ont rien des palais qu'on rêverait à ces rois de la montagne. Des parents, assassins et bandits comme eux, se sont réfugiés à leur tour à Pentica. Et tout cela fait un petit groupe d'une 30aine d'âmes se mouvant dans la plus complète indépendance. Ils goûtent là les douceurs de la vie de famille. Antoine vit avec une fille d'Alérian dont il a eu un garçon et une fille. Jacques a enlevé une femme qui avait déjà 2 enfants et qui lui en a donné 5 autres, un garçon et 4 filles. Ils sont hospitaliers aux bandits, leurs compagnons. Ceux qui sont serrés de trop près par les gendarmes vont chercher à Pentica un asile sûr. On assure même qu'il donne quelquefois, en l'honneur de ses hôtes de passage, de grandes chasses aux sangliers auxquelles ils invitent les habitants des cavernes les plus proches. Jacques avait envoyé son fils au petit séminaire d'Ajaccio, avec l'intention d'en faire un monsieur, de le pousser dans le monde. Mais, bon sang n'a point menti, l'ancien séminariste purge en ce moment une condamnation à 10 ans de prison pour assassinat. Il marie très convenablement ses filles, par sa haute situation, il procure des emplois à ses gendres avec une sollicitude paternelle. Comment ce monde, né dans le maquis et sans état civil, reprend-il rang dans la société? C'est le mystère des mairies corses. On assure que, tout mort civilement qu'il soit, Antoine, curieusement affamé de régularité, a trouvé un maire pour le marier. Et pourquoi vous en étonneriez-vous? Il trouve bien des juges pour juger leurs affaires privées. Voir les jugements du tribunal civil d'Ajaccio en date du 28 décembre 1868 et du 12 août 1869. Il trouve même des municipalités pour les admettre aux enchères. Jacques a été adjudicataire d'une coupe de bois communale pour l'exploitation de laquelle il avait préalablement versé le cautionnement exigé. Le préfet de la Corse, indigné, c'était alors M. Domasso, je crois, fit rompre le contrat. L'influence incontestable des Bellacossia s'entretient sur la population placée immédiatement dans leur rayon d'action par la terreur et auprès des pouvoirs publics par l'influence électorale dont ils disposent. Leur recommandation n'est point de celle qu'on néglige. Plus d'un préfet, qui croyait ne faire plaisir qu'à un personnage de son parti, a signé des nominations sans se douter que c'étaient les candidats de Pentica qu'il choisissait. On les a vus venir, en plein chantier, imposer des ouvriers aux conducteurs de travaux. Ils interviennent dans toutes les élections, ils ont leurs candidats à la députation et au Sénat, comme aux mairies. Ils ont été condamnés pour un fait de pression aux élections sénatoriales de 1879. Si l'on fallait croire ce qui se dit, les tribunaux eux-mêmes n'échapperaient pas à leur action. La concubine de Jacques et ses deux fils ont été traduits cet hiver en police correctionnelle sous la prévention de menaces et de vols à main armée. Ils avaient aidé Jacques à chasser les ouvriers d'une forêt qu'il prétend annexer, sans bourse déliée, à ses domaines. Ils avaient même enlevé les planches déjà débitées. Ces planches avaient été retrouvées à Pentica par les gendarmes. Leur culpabilité paraissait donc parfaitement établie. Les raisons auxquelles le public attribue leur acquittement, qui l'a scandalisé, sont si caractéristiques au point de vue des mœurs, si intéressantes pour le psychologue et si humiliantes pour la société, que j'ai tenté de vous montrer dans cet exemple saisissant de quoi les Corses croient leur justice capable. Mais je ne peux pas répéter, même à titre d'indice, de l'état des esprits, ce qui n'est sans doute qu'une calomnie abominable. Et pourtant, leur royauté pèse aux deux bandits. Maintenant qu'ils sont vieux et que Jacques est riche, ils ne demanderaient pas mieux que de rentrer dans la vie civilisée. Déjà, quand l'impératrice vint en Corse, en 1869, ils demandèrent leur grâce, ils devaient la guetter à son passage à Bocconiano et se jeter à ses pieds. Il y aurait eu une mise en scène théâtrale de nature à plaire à la souveraine. Seulement, on voulut savoir auparavant exactement ce qu'ils avaient fait, on compulsa leur dossier, et, devant cette liste de crimes, on renonça au projet. Ils ont depuis offert de mettre comme vidocq leur expérience au service de l'État et de se charger de détruire les autres bandits. Leurs propositions sont restées naturellement sans réponse. La longue impunité des Bellacossia est fort humiliante pour l'autorité. Pendant des années, elle paraît les oublier, puis soudain, elle les traque, avec un zèle jusqu'à présent inutile. Récemment, on a employé les grands moyens contre eux. Au mois de septembre 1886, lorsque les réservistes eurent terminé leur période d'exercice, on expédia une colonne composée de 120 hommes de ligne et de 70 gendarmes qui cerna solennellement Pentica. Les Bellacossia s'étaient réfugiés chez un maire du voisinage qu'ils font élire et chez lequel ils attendirent sans inquiétude le départ des soldats. On raconte qu'ils avaient été prévenus 8 jours à l'avance de Paris où l'on avait demandé une autorisation au ministre de la guerre. J'aurais pris ce propos pour une plaisanterie quand j'ai débarqué dans l'île, mais maintenant je ne m'étonne plus de rien. Pendant l'assaut, le lieutenant Urbain perdit son cheval, qui roula au fond du précipice. Les Bellacossias sont allés l'y repêcher, et ils ont fait un trophée de la peau et de la selle. Dans la nuit du 6 au 7 janvier 1887, 40 gendarmes ont de nouveau envahi Pentica. Il y avait de la neige, on espérait suivre la piste des bandits. Antoine aurait été pris sans la maladresse d'un débutant qui attendit ses camarades pour se jeter sur lui. Un des hommes qui était du coup de main m'a dit que les femmes les accueillirent avec ces airs durs et méchants qu'ont des vaincus devant des envahisseurs. Au moment du déjeuner, il avisa des jambons pendus aux solives. « Voudriez-vous m'en donner ? Nous ne donnons rien aux gendarmes. »« Donnez contre paiement, 100 ans. Vendre. Nous ne donnons ni ne vendons rien aux gendarmes. Prenez-en si vous en voulez. N'êtes-vous pas les maîtres ?» Ces deux expéditions retentissantes ont énormément accru la popularité des Bellacossias. Fin de la section 69.